Chapitre 22e. Il fallait retrouver Marthe. Pour cela, Saint-Austrobert avait besoin du concours de M. de Chalus. En rentrant à Bordeaux, il raconta donc à celui-ci ce qui s'était passé à Château-Pignon. « Qui aurait cru cette jeune fille capable d'une telle résolution ?» dit M. de Chalus. « L'air doux, réservé, timide même. Fiez-vous donc aux jeunes filles. L'eau qui dort. Enfin, voici une affaire manquée. Je suis désolé, cher ami. Ma parole d'honneur, désolé. Tout allait bien. Quelle fatalité. Et pourquoi voulez-vous que l'affaire soit manquée ?» Il me semblait. « Tout d'abord, j'ai pensé comme vous. Mais quelques minutes de réflexion m'ont fait envisager la question sous un autre point de vue. De quoi s'agit-il en réalité ? D'une escapade de jeune fille. Si vous ne voyez là qu'une escapade, très bien alors. Je suis de votre avis, mettons que c'est une escapade. Absolument. Et en allant au fond des choses, on ne trouve que cela. Seulement, ce qui n'est pour des gens sensés qu'une escapade, je maintiens le mot, est chez la jeune fille un acte de courage et de fermeté qui indique une femme de volonté et de résolution avec des côtés passionnés et violents que je ne soupçonnais pas en elle. Savez-vous ce que cet acte a produit en moi ? Je me serais prononcé tout à l'heure, maintenant j'hésite. Eh bien, il m'a révélé un amour que je ne sentais pas en moi. Hier, Marthe m'était assez indifférente, aujourd'hui je l'adore. Positivement, je la trouvais jolie, charmante, délicieuse, douée de mille qualités, physique et morale, tout ce qu'on voudra. Mais en réalité, elle ne me disait rien de particulier. En la voyant la première fois, j'ai cru que j'allais m'éprendre d'une belle passion, que j'aimerais le ciel bleu et les étoiles, les brises du soir et les silences de la nuit, que je plongerai mes mains dans l'eau avec délice en la regardant tendrement, que je me lèverai la nuit pour converser avec la lune. Eh bien non, cela ne s'est pas réalisé. Une fois, en nous promenant sur la Gironde, j'ai plongé mes mains dans l'eau, comme cela se fait dans les lithographies qui se trouvent en tête des romances. Mais je n'ai ressenti d'autres sensations que celles du froid. Maintenant, c'est bien différent, et sa fuite si bien combinée, si bien exécutée, m'émeut et me provoque. C'est une femme, un caractère, il y a quelque chose en elle qui vaut la peine d'être domptée. Quel feu, vous, amoureux, eh, mon cher, ne l'avez-vous jamais été ? Aussi souvent que j'ai pu. Alors vous savez aussi bien que moi que les femmes qu'on aime réellement ne sont pas celles qui vous promènent lentement, tranquillement, dans une plaine calme et monotone, mais celles, au contraire, qui vous entraînent pour vous enlever aujourd'hui sur un sommet et vous plonger demain dans un abîme. Autrement dit, dans un langage moins poétique, les femmes honnêtes sont ennuyeuses et les autres seules sont amusantes. Il y a du vrai là-dedans. Enfin, j'adore Marthe et je veux qu'elle soit ma femme, si cela est encore possible, ce que je crois. Il y a toutes sortes d'avantages à être le mari d'une femme sur laquelle on abat. Sans compter que Mademoiselle Marthe, revenant à la maison paternelle, vaut plus cher qu'avant sa fuite. Et bien certainement, M. de Nice augmentera la dot en faveur du gendre qui voudra bien prendre sa fille après l'accroc fait à sa réputation. La déchirure n'est pas sérieuse. J'en suis persuadé comme vous, mais enfin, c'est une tare qu'on peut estimer à 1 million ou 2. C'est un chiffre à fixer à l'amiable, puisque la marchandise a subi avant livraison une diminution de valeur. Je n'avais pas pensé à cela. Convaincu, cher ami. Enfin, puisque je suis décidé à épouser Marthe, si cela est encore possible, il faut que nous nous occupions activement de la chercher et de la trouver. Pour cela, il me faut Fréquina. Voulez-vous me le donner ? Immédiatement, je l'envoie chercher et je le mets à votre disposition. Bonne chasse, cher ami. » Fréquina écouta le récit et les explications de Saint-Austrobert avec une discrétion admirable. Quand on prononçait un nom propre, il fermait les yeux, et au passage compromettant, il prenait une attitude composée où il y avait à la fois de la sympathie et de la désolation. Puis, pour passer d'une expression de visage à un autre, il remontait où il avait baissé ses lunettes sur son nez et ce n'était plus le même homme. « Vous avez été content de moi la première fois que j'ai eu recours à vos services ?» demanda Saint-Austrobert. « J'ai été comblé. Je suis devenu inspecteur de première classe et j'ai reçu une gratification. Eh bien, si vous réussissez, on fera davantage pour vous et je tâcherai de vous faire arriver à Paris où votre place est marquée. » Promettre Paris à Fréquina, c'était lui enfoncer les éperons à l'endroit sensible. « Je réussirai » s'écria-t-il. « N'allez pas trop vite, » dit Saint-Austrobert, « car par-dessus tout, je tiens à la discrétion. Vous devez agir seul et sans que le nom de la jeune personne soit jamais prononcé. » Et il ne le saura pas, monsieur le vicomte. Le hasard veut que j'ai gardé d'elle un souvenir qui me permettra de la suivre. Cheveux noirs, front découvert, sourcils noirs, yeux jaunâtres, nez moyen, bouche petite, menton rond, visage ovale, teint rose. J'ai d'elle son signalement gravé là. Seulement je prie monsieur le vicomte de me faire donner quelque argent, car les recherches coûtent cher quand il faut les mener sous terre, sans l'aide des agents de l'administration. Saint-Austreberthe lui tendit un billet de 1000 francs. « Je pars immédiatement. »« Et où allez-vous ? » ?»« Pas au château. En question, monsieur le vicomte peut en être certain. Je ne suis pas assez maladroit pour éveiller la curiosité dans le pays même où la personne dont il s'agit est connue. Pour partir d'un endroit, on suit les routes qui s'en éloignent. Je vais commencer mes recherches sur ces routes en les prenant de loin et en les remontant jusqu'à une certaine distance du château. Je trouverai bien un indice qui me prouvera son passage. Ce sera le fil que je n'aurai plus qu'à tirer doucement pour savoir d'où elle est partie. De ce point, je marcherai derrière elle jusqu'à celui où elle est arrivée. Vous m'écrirez ? Tous les jours, monsieur le vicomte. Et s'il est besoin, vous télégraphiez. La jeune fille est alors Henriette, le jeune homme Arthur, le père, monsieur Durand, cette opinion, la maison. Écrivez cette clé, je vous prie, comme je l'écris moi-même, afin d'éviter toute hésitation. Le plan de Fréquina était assez habilement construit. Parti de Bordeaux dans la nuit du dimanche, il commença ses recherches le lundi matin à 3 lieues de Château-Pignon. Le premier cantonnier qu'il interrogea ne put rien lui répondre. Le deuxième, le troisième, ne savaient rien. Des voitures, oui, ils en avaient vu passer, et aussi des femmes et des dames à pied. Mais dans ces renseignements vagues, rien ne se rapportait au signalement de Marthe. Le quatrième fut plus précis. Le dimanche, dans la matinée, il avait vu le fils de Lagenais qui conduisait une jeune dame dans sa carriole. Fréquina tenait sa piste. Il se fit donner l'adresse du fils de Lagenais et se rendit chez celui-ci pour lui demander de le conduire à l'Espart, mais le paysan refusa. « Vous avez pourtant bien conduit une dame hier. »« Oui, mademoiselle Denis, mais justement, parce que j'étais à la marque hier, je ne peux pas aller à l'Espart aujourd'hui, mon cheval est fatigué. » Fréquina n'en demanda pas davantage, on ne va pas à la marque, on va à Blaye. Marthe avait été à Blaye pour gagner le chemin de fer, c'était indiqué. À Blaye, l'agent n'eut pas de peine à découvrir le loueur qui avait donné une voiture à Marthe et le cocher qui l'avait mené à la grave d'Ambarès ne demanda pas mieux que de causer en face d'une bouteille de vin. « Était-elle gentille, cette petite femme-là ? Vrai, si j'avais été jusqu'à Libourne, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je crois bien que j'aurais perdu la tête. Mais à Cubzac, elle a voulu aller à la grave d'Ambarès. » À la grave d'Ambarès, le chef de gare se rappela parfaitement avoir délivré un billet de première classe pour Paris à une jeune femme dont le signalement se rapprochait de celui de Marthe. Elle était donc à Paris, où elle avait rejoint Philippe. Fréquina télégraphiait cette nouvelle à Saint-Austreberthe en lui demandant de lui envoyer à Paris pour qu'il la trouvât à son arrivée l'adresse de M. Arthur. À Paris, à la gare d'Orléans, les renseignements que put se procurer Fréquina furent contradictoires. On n'avait pas vu de jeune femme arriver seule par le train de Bordeaux. Seulement, on avait vu une avec un jeune homme et le signalement n'était pas celui de Marthe, au moins pour la toilette. « Elle a changé de robe, » se dit Fréquina. Le jeune homme était assurément Arthur. L'adresse d'Arthur était arrivée, hôtel Byron, rue de Grammont. Il n'y avait qu'à établir une surveillance autour de l'hôtel et à suivre Philippe. Mais cette surveillance n'amena aucun résultat. Arthur promena l'agent dans les 4 coins de Paris sans que nulle part on trouvât trace d'Henriette. Puis tout à coup, il partit pour Bordeaux. Cela devenait inexplicable. Fréquina, revenue à Bordeaux, tint conseil avec Saint-Austreberthe et, malgré le peu de succès obtenu jusque-là, il fut décidé que la surveillance serait continuée auprès de Philippe. C'était par lui seul, qu'on apprendrait quelque chose. Marthe ne l'avait pas rejoint, mais il devait la voir quelquefois, il devait correspondre avec elle. Son retour à Bordeaux n'avait d'autre but que de dérouter les recherches. Tôt ou tard, en persévérant, on arriverait à un indice quelconque. Le malheur était qu'on ne pouvait pas faire ouvrir ses lettres. Saint-Austreberthe avait proposé ce moyen à M. le Chalus, mais le préfet l'avait repoussé. À Bordeaux, ce procédé était dangereux et même jusqu'à un certain point impraticable. Tout ce qu'on avait pu faire avait été d'acheter le facteur qui desservait le quartier de Philippe. Encore n'avait-on pu obtenir de lui qu'il livrât les lettres. Il avait promis seulement de prendre note du timbre de départ de ses lettres. Par ce timbre, on espérait découvrir le lieu où Marthe se cachait. Mais ce moyen n'avait rien produit, Philippe recevait peu de lettres. Toutes les fois qu'il sortit, Fréquina le suivit, mais ce fut inutilement. Un jour, cependant, l'agent crut qu'il le tenait. Arthur avait demandé chez un loueur une voiture pour Pressac. Fréquina se rendit dans ce village avant lui et le guetta. Philippe arriva à 11 heures par un beau clair de lune et se dirigea vers Château-Pignon. Qu'est-ce que cela signifiait ? Fréquina le suivit. Pendant 2 heures, Philippe se promena dans le parc et revint à Bordeaux sans avoir vu personne. Il avait tout simplement voulu parcourir le pays où il avait été heureux. Un anniversaire, sans doute. N'apprenant rien avec les lettres que Philippe recevait, Fréquina voulut essayer de celles qu'il écrivait. Le temps s'était écoulé en recherche vaine. Saint-Austrobert, fatigué, allait partir pour Paris avec M. Daunis, nommé député, il fallait trouver. Mais le domestique de Philippe, qui portait ses lettres à la poste, ne se laissa ni séduire ni tromper, et Fréquina n'apprit rien. L'agent au bois s'attacha exclusivement à ce domestique, et un jour qu'il l'avait suivi au bureau de poste où celui-ci achetait des timbres, il put faire tomber les lettres qui avaient été postées sur une tablette. Il se précipita dessus pour les ramasser, et il put ainsi en lire les adresses. L'une portait pour suscription Madame R.M. chez M. R.M. Saint-Denis, La Réunion. L'autre, M. Azimbert, juge de paix, à Gabas, Landes. Ce nom fut un trait de lumière pour Fréquina. Le lendemain, il était à Gabas, et là, il apprenait que M. Azimbert avait avec lui, depuis longtemps déjà, sa petite-fille.